Chapitre 10e. Du sang dans les fleurs. Le laquais qui s'était mis à la recherche de Babylas et de Sulpice, un brave garçon du nom de Rodolphe, s'en alla tout d'abord droit aux écuries. Il n'y vit personne et traversa la cour assez indécis. Par la porte ouverte, Fanacapa l'aperçut. « Vous cherchez quelqu'un, mon ami ?»« Oui, signor, les deux écuyers. »« Vous les trouverez sans doute dans le jardin. »« Je les y ai vus tout à l'heure. » Rodolphe ouvrit la barrière et suivit la première allée, tourna vers la tonnelle et s'arrêta. Il entendait un bruit de voix. « On dirait des gémissements, » se dit-il, étonné et inquiet. Il courut aussitôt vers l'endroit et bientôt fut en présence de deux corps étendus, l'un sur une plate-bande de fleurs, l'autre en travers d'une allée. « Oh, la Guibole et Francastor, blessés !» Il se baissa vers eux, apitoyé par leurs plaintes. Puis il se releva, appelant au secours de toute la force de ses poumons. Presque aussitôt, quatre têtes apparurent au-dessus de la haie qui bordait le pré voisin, Sulpice, Babylas, Stella et Maglone. Les deux couples s'étaient assis sous un gros cerisier et devisaient là, gaiement et gaillardement. D'un bond, Sulpice et Babylas franchirent la haie et accoururent. Pendant que les écuyers examinaient les deux blessés, Stella et Maglone étaient parvenues à passer par-dessus le buisson et s'approchaient, elles aussi, à la fois apeurées et intriguées. « De l'eau !» ordonna Sulpice, qui s'occupait auprès de Francastor. « L'eau est un remède souverain, préconisé par les Romains et par les Grecs. »« Des chiffons, un cordial, » commanda plus laconiquement Babylas, occupé à dévêtir la Guibole. Les deux filles se hâtèrent vers la cuisine. « Toi, Rodolphe, » dit Babylas, « va prévenir nos maîtres et dis-leur. »« Impossible. Pourquoi ?»« Ils dorment à point fermé. »« Eh bien, réveille-les. »« Oh, je n'oserai jamais. »« Bah donc, te dis-je, je prends tout sur moi. » Le laquais s'exécuta. « Malheur de sort, » reprit Babylas. « Ce pauvre la Guibole a reçu un joli coup de lame dans la gorge. Il vit, mais je ne sais pas si ça sera pour longtemps. »« Bon, on réchappe de tout quand on est bien soigné, » affirma Sulpice, « et j'ai la recette d'un baume qui fait merveille. »« Eh bien, ce sera l'occasion de l'employer sur celui-ci. »« Et l'autre, comment va-t-il »« Il n'y a que deux ou trois égratignures, et cependant, il reste affalé comme un moribond. »« Et par Dieu !» C'est la tête qui en a, et ce peut être grave. Les deux servantes revenaient prestement avec les objets demandés. Les écuyers imbibèrent les linges d'eau fraîche et lavèrent les blessures. Puis chacun d'eux fit couler un filet de cordial dans la bouche de son blessé. Le résultat fut instantané. La Guibole entr'ouvrit un œil. Francastor ouvrit les deux siens. « Ah, les voilà qui reviennent !» firent les femmes. « Dieu merci !» dit Sulpice. « À présent, je vais aller préparer mon baume. » « J'espère que je les tirerai de là tous les deux. » Il courut vers l'hôtellerie, parlant tout seul pour satisfaire son instinct de bavardage. En route, il rencontra Rodolphe qui revenait. « Eh bien, » questionna-t-il, « as-tu prévenu nos seigneurs ?»« Pas moyen de les réveiller. »« Allons donc, Blanc-Bec. » Il entra dans l'hôtellerie. Rodolphe le suivait de près. L'écuyer s'approcha de la table, tourna, remua un escabeau. Les deux gentilshommes ne bronchèrent point. « Monsieur le baron !» appela Sulpice. « Rien. Monsieur le chevalier !» Rien encore. L'écuyer appela plus fort. Inutile, il secoua les dormeurs. En vain. « Par les pieds fourchus de Belzébuth, je n'ai jamais vu un sommeil aussi obstiné !» Et il prenait à témoin les laquais, stupéfaits eux aussi. « Il y a là quelques diableries !» fit l'un d'eux. « Il faudra éclaircir la chose. Pour le moment... « Transportez les deux gentilshommes dans une chambre et restez auprès d'eux tous les cinq. Surtout faites bonne garde. Que personne ne franchisse la porte, sous n'importe quel prétexte. Toi, Rodolphe, viens avec moi. » Le jeune laquais obéit, tandis que ses cinq camarades se saisissaient respectueusement de Belcoeur et de la Barenne et grimpaient l'escalier conduisant aux chambres. Sulpice et Rodolphe allèrent aux écuries. Là, l'écuyer tira de son porte-manteau des petites fioles et des paquets d'herbes et de poudre. Il en confia une partie à Rodolphe et s'en alla vers la cuisine, où, malgré la présence de Fanacapa, il commença des mixtures étranges, pilant des herbes, ajoutant de l'eau, mesurant le liquide de ses fioles, incorporant des pincées d'ingrédients. À toutes les questions du bravo, intrigué, Sulpice restait muet. Contrairement à son habitude, comme s'il n'entendait pas. Au bout de quelques minutes, il eut composé une sorte de suc verdâtre, épais, à la senteur aromatique, qu'il considéra avec satisfaction. Et emportant tout son arsenal, il se dirigea vers le jardin. Fanakapa s'était mis à le suivre, mais soudain, Sulpice se retourna et le toisa d'un tel regard que l'autre rentra dans la cuisine comme un rat dans son trou. Les deux blessés avaient repris leur sens, mais n'étaient guère vaillants. La blessure de la guibole, bien lavée et rafraîchie, paraissait assez sérieuse. Le coup reçu par Franck Castor au crâne était grave aussi. Sulpice commença à appliquer son baume sur les plaies, après quoi il fit un pansement très habile et força les bretteurs à avaler deux fortes gorgées de cordial. Aidé par Rodolphe et par les deux servantes, robustes filles habituées aux rudes travaux, les deux écuyers soulevèrent la guibole et Franck Castor et s'acheminèrent vers l'hôtellerie. Dans la salle, ils hélèrent le bergiste qui arriva tout effaré, se plaignant de ce qu'on avait couché les deux gentilshommes dans une pièce qui n'était pas libre. Sans s'arrêter à ces jérémiades, les écuyers vinrent porter les blessés chacun sur un lit. « Et maintenant dehors !» commanda Rodolphe en poussant Jacopo par les épaules. Celui-ci dégringola l'escalier, la rage et l'épouvante au cœur, pour aller rejoindre l'entrepreneur de guet-apens. Assoiffé de vengeance, il aurait voulu maintenant que son complice trouvât un moyen d'exterminer sur le champ les 12 maudits Français. À peine avait-il franchi le seuil de la porte que Franck Castor se souleva sur le coude et fit signe à Sulpice de s'approcher du lit. Avec effort, l'Alsacien souffla. « Il parle français ? Maintenant ?»« Qui ?» demanda Sulpice, surpris. « Mais l'hôtelier, cet hôtelier du diable !»« Et c'est mort du vrai !» s'écria l'écuyer de bel cœur. Il n'avait point pensé à cela. Là-dessus, Franck Castor ferma les yeux, épuisé.